Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. C'est le moment de Hind en Brezonnik, Kentel Perron, Eise à Perugen, 488. Bonjour Henri. Oui, bonjour Morgane. Ça va bien? Ça va, Matri, ne ce que te glaime. Ne ce que te glaime, il n'y a pas à se plaindre. Henri, trois parties dans Hind en Brezonnik comme d'habitude, et la première, c'est Guerriou Arvué, les mots de la vie. C'est quoi le mot d'aujourd'hui? Alors, c'est un mot court, leur. Leur. Donc, c'est un mot féminin, dont le pluriel est leuriou. Et alors, c'est un mot qui désigne une aire, A-I-R-E. Hein, le sol, voilà, il y a une idée de quelque chose de plat, de quelque chose d'uni, voilà. Et alors c'est un très vieux mot celtique, le mot d'origine serait, en vieux celtique, serait laro, et on le trouve sous des formes voisines, en cornique, en gallois, et en gaélique, aussi bien en Irlande qu'en Écosse. Donc, leur. Alors, bon, le mieux c'est de donner quelques exemples. L'heure d'ornant, par exemple, c'est l'air à battre. L'air à battre, il y a beaucoup de chansons là-dessus. C'était un lieu essentiel de la vie autrefois. C'était un lieu de rassemblement une fois par an. Et de fête. Et de fête aussi, quoi. Puisque finalement, après, on dansait. D'ailleurs, il y a l'heure, c'est aussi l'endroit où on danse. C'est parce que c'est un endroit uni. C'est une esplanade en quelque sorte. Voilà. D'ailleurs, il y a une fédération de cercles celtiques, l'une des deux fédérations, qui s'appelle Warleur. Donc, voilà. Il y a même aux Vieilles Charrues, le Reine Glenmore, le Reine Xavier Graal. Ça, c'est un mot dérivé dont on parlera tout à l'heure, l'heure, qui est dérivé de l'heure. Voilà. Et qui a pris un sens un petit peu différent. Alors, donc, il y a des tas de chansons où on parle de ça. Par exemple, Cria cal de clève de conto de zeur malheur. Oua digouise l'un d'elle, un tuel de zeleur. Ou bien un tunère de zeleur. Donc c'est l'histoire du pommier qui est abattu par la tempête. Alors Venaval, où c'est une chanson de Job Kadik. Qui était de Glomel. De Glomel. Enfin, qui était né à Pôle, paraît-il. Et qui était facteur à Glomel. Et qui est selon Dominique Jouve, un tube du centre-Bretagne. Voilà. Et alors, il y a beaucoup de chansons, justement, où on parle de des battages et de warleur. Un moteur à gavaneuse, un warleur. Le moteur et la batteuse sur l'air. Dans des chansons sur les battages, beaucoup de chansons sur le début des amours, par exemple, entre un jeune homme et une jeune fille, parce que c'était aussi un lieu de rencontre, finalement. C'était le battage, c'était quelque chose, c'était presque une cérémonie, le battage autrefois. Et puis ça durait quand même assez longtemps, donc c'était un lieu de rendez-vous. Alors on trouve ça dans la microtoponymie, on trouve souvent l'heure, par exemple, Pargleur, en général le champ qui était à côté de l'air à battre, c'était Pargleur. Dans tous les cadastres, il y a l'heure aussi. Oui, dans tous les cadastres, parce que comme dans chaque ferme, il y avait une aire à battre. Donc, Pargleur, le champ à côté. Tout le leur, l'entrée de l'air. Voilà. Leur gauze, parce que de temps en temps, on changeait de place à l'air. Et donc, il y avait leur gauze et leur nez. Voilà. Leur mine aussi. Là, c'était déjà le top, une aire empirée. Parce que, bon, il fallait quand même que ce soit un sol assez dur. Et dans certaines fermes, l'air était empiré. Voilà. Alors, beaucoup de... C'était aussi un endroit dont on parle souvent dans les contes de l'air à battre. Par exemple, quand on dit « Eloi d'Oricus Christ et Warleur », parce que c'était l'endroit où on faisait la sieste aussi. En général, à côté du tas de paille. Un endroit abrité, et puis voilà. Donc, l'air à danser, j'en ai déjà parlé. Alors, il y a une aire particulière, c'est l'heurzi. Alors, ou l'heurndi, l'heurti ou l'heurzi, donc qui est l'air, qui est le sol de la maison, qui était en terre battue, et donc qui donnait lieu aussi une fête hein, pour tasser. Quand on faisait, on disait ça leurs idées, hein, faire la nouvelle ère de la maison. Donc ça se faisait en dansant. Hein, donc comme le préau de Beautois. Comme on a fait ça au préau de Beautois une année, je me souviens. Oui, effectivement. Et donc on tasse en dansant. Hein, on dit souvent que le danspleen a été inventé pour ça. Je pense que c'est un peu exagéré parce que au moment où le danspleen a commencé, on se souciait pas beaucoup des leurzy, je pense. Et puis à ce moment-là, si on avait utilisé la danse, alors le danse-fils, elle aurait été pour défaire l'air. Alors, donc en tout cas, c'est vrai que on faisait des fêtes comme ça pour tasser. On ramenait beaucoup de nouvelles terres, hein, de la terre très argileuse, qu'on mouillait. Hein. Il paraît que d'ailleurs, pour montrer qu'on était très actifs, il fallait sortir crotté de là. Voilà. Alors, leur tiné, hein. Hein, j'ai souvent entendu mes grands-parents parler de ça, même si je n'ai vu qu'une fois, effectivement, à Beautois. Alors, il y a une aire particulière, c'est le Dière. Le Dière, c'est l'aire, c'est le placis du village, c'est-à-dire l'ensemble des terres communes à l'intérieur du village, qui appartient à la communauté, quoi. Et, par exemple, dans la chanson à Trigménaire de Spontivy, on dit, la Cumbesnewar le Dière, à Casentrigor, fête Dière. C'est-à-dire, je les ai virés, quoi. Hein. Je les ai mis sur les trois Kéménères, là, les ai mis sur le placis du village, quoi. Il y a Mahari de l'Heurguer aussi. Mahari de l'Heurguer, oui. Voilà, l'Heurguer, hein. Et ça, c'était, dans tous les villages, il y avait ça, hein. Souvent, ça a été partagé. Il y a une chanson, par exemple, dont j'ai entendu quelques bribes quand j'étais jeune, sur Mathurin Carré, qui était un chiffonnier de Kerzolec, où on dit que c'était une chanson qui avait été faite par le recteur de l'époque, parce que ce chiffonnier-là était un petit peu paillard, il plaisait pas au recteur. Le recteur a fait une chanson en disant que son jardin, c'était le Dière Tierzolec. C'est-à-dire qu'il s'appropriait, en fait, complètement. Il faisait paître son cheval, puisqu'il avait une jument. Et il en prenait à ses aises, quoi. Et donc, le recteur avait composé une chanson sur ce chiffonnier. D'ailleurs, il a été fort mal inspiré, parce que le chiffonnier a composé une chanson sur le recteur. Génial. Qui n'était pas piqué des vers. Voilà. Donc, le Dière. Et on voit, quand on va à Kerzolec, on voit encore très très bien la structure du village avec le Dière qui en fait englobe toutes les maisons, hein, et qui était un endroit commun, en fait. Dans beaucoup d'autres villages, ça a disparu. Ces terres-là ont été partagées, quoi. Voilà. Alors, il y a des mots, par exemple, des néologismes qui ont été créés, comme leur d'aune. L'Urdoen, une terrasse. Ah oui, joli. Ouais. Ah ouais. L'Urnige, un terrain d'atterrissage pour les avions. L'Urvalley, une esplanade. Et alors justement, il y a un dérivé qui est l'Urne, hein, donc qui est aussi un mot féminin. Donc dont le pluriel est l'Urenou. Hein. Donc c'est l'Urne, c'est l'assise de quelque chose. Hein. Par exemple, le parvis de l'église, hein, le renonilis, hein, pour les cathédrales, hein, le renonilis veut, on dirait. Hein. Et puis c'est aussi une scène, hein, warleuren. Hein. Par exemple, le rendigour, hein, c'est une ouverte. Il y a un verbe aussi qui est dérivé de ça, le rachine. Le rachine, c'est faire paître un animal à la corde, c'est-à-dire que son terrain de pâture est limite, voilà, sera circulaire, quoi. En Normandie, on dit faire pâturer au tiers. Le tiers n'a rien à voir avec la fraction. Hein. Le tiers, c'est quand on a un animal au piquet comme ça. Et voilà. Et puis pour terminer, ragleur, l'avant-scène. Voilà, bah quand même on tombe trop warleur. Mmh.

Et puis, voilà, pour le... Alors, le jour de l'an, c'est Détien Templa, hein, voilà. Et puis, ma foi, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette question, et on souhaite à tous nos auditeurs une très bonne année 2016, et puis d'être fidèles à RKB. Eri, troisième et dernière partie de Hent ar Brezhoneg. Petra zo neve ar vont ? Ma kalze dro e vel just bouer vezhi ouzon. Krogom bremañ gant ar blad o vilhouezek. Hag spi e meus vo pijad ur gant ar chilo RKB pa de blad. Ka on dro e bouiz e vid an dud an ma vro chilo RKB. Kwejel e breiz ne detient an blad he an dud de vel an amezeien war ar mez hag bon de zouet idet blavez mat hag leve de vije an dud o kanan war ar mez you. Jonge peus de zor gant oen ze. Ma or kontan nim gant o, a ma nor ke nim zi han o, med on de ramp gant kalon va, de zouet i blavez mat. Blavez mat an dud an timan, blavez mat i gant doue, aventur vat re yo an, de regos pres polite. Don i don eut, set un onze blaneve. Aventur vat re yo an, de regos pres polite. E barados fin o pue, ma ve bolonte doue. Hag wel arret de reio an vije l'ar et aventur vat a de regos pres polite. Vije l'ar de aventur vat de regos. Vraiment, ma ve fe vigret. Met de houls regos oasans de bout de vur. Met pin vin me mestra de zer yon tan meran. De vout trantil ka de houls, ben de houls oa ket le vebet vid an dut. A warret e bon bevon a kalz a dud e ji oaz vije power, hein, ma meus gwelve kalz a re a oa e warret e monte diest al ba fin o bu e pe dur an iwan ket la bro betin a ger an. Hag a ze oa trist war, hein, bon. Bremañ ne ke ma meus botin. Beso bet pe kontan deus ur gant oen se. Meus be klevet pe oan yo, kalz a dud gant eze. Hor tro bourg, gant ur voutaï a Rome, hag vije gant eze ba pe pti, hag spen ur mod oa de gant oze, pudur benefin, pe pini e lak e pezni oa roan vars. Hir ad vije, a lak vije traufen tus mamez vars. Yeah. Veja oa. Bon, ur gant oen ze zo bet liam gant ur religi, on a. Pudur vekomp deus ur bastor, deus Bethléem, a deus ma bik chezus, bon, liam oa evel just. Gant ur religi, on zur oar, ma oa bet za, zavet ur gant oen ze gant ur bel, oa anget, petra man o loar ek benek, bo pet. Gant tal dir jafre nou po de karnoet, oa bet zavet o... On ton, ou à même ton, hein, organowen, mur laïque, ma personne, l'air vigé que comme je tiens de ce religion, organowen, c'est au bête d'un rôle de grand polyélu, ou à riblad, un grec, grand astrolat scrillet, parce que j'en l'appelle ça blanc, oisé, zimus bam, mes me bladen, oisé, ag, ou à brau de Shiloh, avait fait bémo de hadlak, de, on tombe, bah, bamar, et un détient tombe là. Bon, tramen de vraiment ur blad au vil pemzek, ou ar meur eus achen ur blaz eus obit ur blad kri, gwaz ar voudou eus obit da skwer ur brovrans gant un terrorist do lar an tut, un homo didrué, ba mis genver a ba mis du, vid la bour douar ur blad au vil pemzek eus obit val put, gant pri jo izel vid de mor, vid de lez, vid de lon et kik, bon, spi meus vo gwellar un trou vid labourer yen dou ar ba blad de zon, ka zezo evel just sichen an ekonomi ez e breiz. Echu e debe d'or blag an ur vota degou, evid ur an vroyou, hag aze ive zo bet de blas ou dizor o spontus war. Vid ur brezon hag ne ke be ma de blat an me ben mur, ne ke be zin kom zo oa de zin o karta erriez ou gwasket, Quand Brovrance, mais il va juste n'est que Bégrette, puis soit n'est que Zouez Ustambet, puis dire Jacobine, devait mettre, voire Pietra, et Velkis a costume. a ken distor e chomot beta bremañ, ke le nadur eus ur yez. On dru e peve gwelet da skwer, pe sa mod ya war rog, un trou ba bro Corsica da skwer, l'er zo perug un dregan de zeur vugal e a geziz ke tam bedam yez ur vro. A just mat pe on komz de ze bro Corsica, président Neve bro Corsica, Jean-Guy Talamoni, un eus ged i vreze egen digor yez ur vro e Corsic. A milard d'ars au Bétrouz, ganzé, tout de Jacobine, doit feu que de ganzé, jonge à l'onde, or, or brésé qu'un officier, le baillez à vro, puis son nature, elle ne se vance plaire, bah, pour Europa. Mais non, mon, bah, pour France, voit feu que tout ne dut, même, me sclève de ministien, tant de Provence, l'art doit rec pétoisé, gouscoudéens au Catalan, doit avoir, puis, yézou et yézou latine. Mais de non de vide des soirées que ou recommande bétine mais ça noir col di ben content wow quel et veulent juste n'est que de bray avait fait béclève de naguel dans droit 10 jiwas jon jeta trop le drian représé que représent de baraul zé faut que quel là quoi je ben vigenam sort à mes de ce musée ou un peine bronze en me braise Ur gier brezhon vel kenavo, pe yer amat, pe trugare, a ma meus meus klev, pe on komz deus le traoù le drian, meus klev nan l'ardo vech, bevet brez. An disen, yo a ged o sakre breze, gana. Ya, ya, bon, me ne kez ur vo klev et prest, yo komz disen. Hag ma trez noir ave fe bet, bon, ve fe ke bekal se dud o kompren, ba, Bah, mais ce que Rizzo Dylan a pu dire, Grédan, ou avant que de Grédan, que Zos Pendig, bah, rendre vos braises, bah, accuser le rendre vos braises, à gondre, fait un temps braison avec Benneket. Pu dire, verra, ma mesure, vegouel de Dermad, hein, pv, qui s'une comme braison avec Bantélé, puis, Clève Dermad, Mona Bras, Paul Molac, Gérard Laelec, puis, Léna Louarn, hein, bon. Un gars dit ouais, fais jouer l'air avec Léna Lou, un Paul Molac. A gancé, bon, m'a fait bête, or, qu'un tel lieu brison, de vie de peine aux bras, hein. Le fait bégouel, peine aux bras, on te dit ce qui brison, hein. Mais moyenne source d'aide, chilo RKB, on t'en, mais, grédant que Zocal, je n'ai avoir même zo de ce RKB. Bon. On a des crocs de l'arval dans une dune, même strong. Bon, point des dunes, vraiment, l'art de Blavesma d'Artout, Chilower et NRKB, réseau Chilower post bien, avec réseau Chilower Ruedat, puis ils ont vraiment zotude, voir leur bédol au Chilower RKB. Spiemeuse, vaut, calze dune au Chilower RKB, puis dur, de me jonge, j'y andra bouise, hein. Quand radio et vel RKB, l'Hervé Clève tut de Zevro, avant que Clève de Gualalis Hendel, va faire une belle Clève de Bopet, tut de Zevro, comme ze Brezonek, puis comme ze Galak Vigenomes, comme ze Zosnek, puis on vraiment, on est blay au Zos, Abaden ou Zosnek, hein, Spotlight on Brittany, Chiloran Vigenomes, ya, à comprendre en Madoir, Hein, sclair intro, ag bon, plus jusé, ag galowak veklev vegenamza, pas strawar, mais ma de febid hadlak en un tom galowak, vid mon diski en tom, pesa zevena du réseau gan breis uvel. Bon, blavezma de l'art en de regos, et vin me fe fein eurizo oleve, blavezma de vugal et ive, man gant e am zor de zon ur vro, ur bija dur ve gandin der mat, pe glev an ur vugal eo komz brezonek, oa a gzev e klev en mat aliz war RKB, hag red edim stourm hag or om seiz posup, pe om seiz posup war nugen vel ar fe Jean-Pierre, evit treuskaz zivena dur ur vro, d'ur vugal e. Blavezma de l'art en skipaï RKB, de l'art AD, réseau labour ad BMD, vide radio, Jean-Pierre, Bruno, Christian, Marie-Laure, Tudu, Ablavesma, Darwin, Morgan. Merci, Eric. Blavesma, Dudzo, Kuzul, Meran, Radio. Namamus, Givridiges, Radio. Zo, Tudbo, un drôdeur président de Neve, Alain Rouse. À deux heures, président de Inor, Marcel Guillouze. Justement, puis on compte de Marcel Guillouze, Blanc, mais vos grèves, un temps, Gouel, évitant. Vite, Raider, mais là, l'un temps, mais de si vous comptez, dit vous à tort. Ma mise meurt, vous, non. Bon. Officier des arts et des lettres, t'es qu'est-ce officier des arts et des lettres, ya. Zelta. Marcel. Hein, Marcel. Bon, blavesma de l'art en nahan de douderies au Sturm à Gulabour à Vidor-Brezonde, et velleries au de Urmar et Monde à Square, casse crouine Urlas d'Idiouyezek, Balarune, Bascol Larune, à Gzevefebé d'Ondravante, qu'à Beta Brémové, Vekele de Brezonde, que Drevras, l'air ne veut que comme je peux souffler une tuzoire. Avec FB Mod, me mestra, Jean Jalrand, FB Mod, quand, school du Yézek, bah, craise, vrouam, bah, la rune. Bon, sais-tu, grême, mon temps trop, ou à blaves mod, hier mod, tout le dut. Qui est nous, Eri? Y'a, t'y n'en vaut, mon gars. Ma vacantan, me gano, ma naquette, me zihano, me donneran, gan kalon vat, da iti ar blaves mat. Me donneran, gan kalon vat, da iti ar blaves mat. Ur blaves ma da souvit an da, blaves ma de vid an ol, aventur vat da re yo oan, da re gos, blaves di boan. Aventur vat da re yo oan, da re gos, blaves di boan. Da re gos amzer di zursi, a yehet pe pret nozi, evit gwelet o bigale, hep trebu you ar vue. Evit gwelet o bigale, hep trebu you ar vue. Kale jo a vidan di diawan, yehet a plija dir you, tu diawan dar madem gari, war an douar peur bepret. Tu dir wang der madem garit, war an douar peur bepret. Netra nes a zol vou deges, vel espérance au pué, et vise vel an ur ustet, bugale gui au vrai tonnet. I vise vel an ur ustet, bugale gui au vrai tonnet. Evit an ol martelodet, zo enans kreiz ar mo bras, o honi koz an mik para, gant kalon de blaves mat. O honi toz an mik para, gant kalon Vesmat. Zangel ran en ol vret an et, de zavro bet pertiet, pepini he ye blan eden, blavesmat e ol bepret. Pepini he ye blan eden, blavesmat e ol bepret. A reglan an hospita you, pe a ger gant o voan you, no gwile no satit a het, ye het de id ar blaves. No gwile no satit a het, ye het de id ar blaves.